te soit jamais fait la belle. J'ai plus d'une fois croisé les yeux de l'amour parce que tu avais rejeté mes assauts en retour. Par le courant, on s'était laissé porter, mais tu ne voulais plus subir. L'un de nous a dû fuir. Tu m'as blessé, je dois te le dire. Pour la taverne. Mais j'en vogue pas de ton extension, qu'est-ce que tu fous là? Tu vis mon rêve. L'île, la taverne, c'est mon rêve. Oh, et ben moi, c'est ma réalité. Un travail de galérien et une hypothèque qui me laisse à genoux. Tu veux que je jette un œil au toit tel que je le vois, il passera pas l'hiver. Mais je peux très bien m'en occuper toute seule de mon toit. Et merde! Fais ta martyr. J'ai des gosses, moi aussi, je sais très bien à quel point ça doit être difficile de s'occuper de tout toute seule. Oh, prends pas cet air. J'adore m'occuper de tout toute seule. Tous les matins, je me dis que je suis une sacrée vénarde. Tous les matins, je remercie le ciel de pas avoir de quadra entreposé dans mes pattes. Je suis libre, je suis célibataire, c'est le bonheur.